Des jours je me réveille rempli de bonnes intentions. Des nuits je fixe le plafond, les yeux remplis de questions. Y a des jours je me console en disant je suis pas tout seul. Et je murmure dans la main les mots demain, demain. Y'en a qui veulent partir et qui ramassent leur compte. Y'en a qui changent de vie le temps d'une fin de semaine. Y'en a qui attendent en ligne visa New York, New York, et finissent leur prière en disant demain, demain, demain, demain. Plus t'attends et plus t'as peur, plus t'as peur et plus t'attends. Tant que le temps arrange ta vie, ça fait si longtemps que l'on le dit. Demain, demain, oh, demain, demain. Y'en a qui changent d'habit comme d'autres changent d'avis. Y'en a qui demandent au ciel d'éclairer leurs amours. Y'en a qui attendent un signe, d'autres attendent une ligne et finissent le refrain en disant demain, demain. Oh, demain, demain. Des jours j'engraisse mes blouses, je ferme la porte, je réponds plus. Des jours je cherche à plaire à tout le monde, puis je m'en dère. Y a des jours je me dis, je vais changer de nom, je vais changer de ville. Je me retrouve sur Park Avenue. Disons demain, demain. Oh, demain, demain. Plus t'attends et plus t'as peur. Plus t'as peur et plus t'attends. T'attends que le temps arrange ta vie. C'est si long.